Directement des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les Palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 11 au 17 avril 2011. Je m'appelle Mathieu Plante. On va passer 3 heures ensemble à écouter un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir, c'est-à-dire le top 20 francophone et le top 20 anglophone. On a 5 nouvelles entrées cette semaine. Hôtel Morphée, Christian Jacques, les Gigs ou Jigs. Ouais, c'est ça, Jigs. Timber et Enjoy Your Pumas. On va aussi avoir évidemment la chronique Guess What sur les actualités artistiques et culturelles en compagnie de Stéphanie Gagné plus tard dans l'émission. Et aussi les meilleurs moments d'assemblage requis dans un instant classique. Voilà pour l'émission d'aujourd'hui, ça va être super bon. On commence par les 20e positions. En nouvelle entrée du côté anglophone, c'est Enjoy Your Pumas avec Do It Every Day sur l'album Commonality. Mais on débute avec les Jigs sur l'album Comme une bombe qui vient tout juste de sortir. Voici Qu'est-ce que tu fais? Au 89.1 FM, c'est fou. Dans vos oreilles. Dans vos oreilles, vos oreilles. Vos oreilles, c'est juste ça. Still your heart has not been

La pièce Blackwater de Timber sur l'album Creep on Creepin' On, nouvelle entrée en position numéro 19, anglophone. Avant, c'était Christian Jacques avec Le Comptoir des viandes sur l'album Jurassic. Et ça, c'est nouveau du côté franco, bien sûr. On va aller aux positions numéro 18. On va sauter par-dessus l'anglophone Kai avec Crowds, qui est là depuis 5 semaines et qui descend de 5 places. Voici tout de suite Hôtel Morphée et Les Oiseaux de Verre en nouvelle entrée francophone. No. Odell Morphée avec Les Oiseaux de Verre, nouvelle entrée en 18e position francophone sur leur maxi Novembre est mort. Sauté par-dessus Kai avec Crowds du côté anglophone, ça descendait de 5 places. On va faire la même chose d'ailleurs dans le prochain bloc. Pourquoi pas sauter des choses une fois de temps en temps pour gagner du temps. On n'a pas le choix. Je vous dirais que les choses sont un petit peu de même dans la vie là. On peut pas tout faire en 3 heures avec les 40 pièces à jouer. Donc on va sauter par-dessus la position francophone qui est la 17e. Jérôme Minière et le Café Espagnol, ça descend de 2 places et c'est là depuis 9 semaines. C'est quand même pas mal beaucoup pour Jérôme Minière. J'ai hâte d'entendre un nouvel extrait de l'album Le Vrai, Le Faux. On va aller du côté anglophone tout de suite avec la 17e position. C'est une deuxième semaine pour cette pièce de The Two Koreas. On écoute Midnight Brown au 89.1 FM. C'est les Palmarès, c'est fou. We'll be right back. Au retour, Tokyo Police Club, J.J. Ibsen, Martin Léon et Peter Peter dans les palmarès C'est fou au 89.1. Docteur. Peter Peter. À l'UQTR, c'est fou dans vos oreilles. Numéro 16. I'm on your team, but I never know when you're not. You never wear shoes without your socks. You never tell anything to me. I'm on your side, but only for a while, of course. You never use words you can't afford. A house with continents inside. Never get nervous anymore. So wait up. You never get nervous anymore. What did you want me to say? Hey, what did you want me to do? What did you want me to say? Inside the lines, gotta catch me in paper. La position numéro 16 anglophone, Wait Up, Boots of Danger, ou encore, je crois que c'est Boots of Danger, Wait Up, si je me rappelle bien le titre. Hein? C'est ça, Boots of Danger, Wait Up, entre parenthèses, de Tokyo Police Club. Comme je disais, c'est la position numéro 16 anglophone. Avant ça, du côté franco, c'était Vanessa Paglietta avec Comme une étoile dans l'océan qui monte de deux places. C'était une nouvelle entrée la semaine passée sur leur maxi gratuit, en passant, Canicule et Ours Polaire, disponible sur vanessaparietta.com. C'est le moment d'accueillir notre amie Stéphanie Garnier. Oh, oui, allô. Allô, je t'attendais, en fait, donc je t'ai vu venir. Ouais, il y a une fenêtre. Oui, et une porte. Ouais. D'ailleurs, on n'a pas entendu la porte ouvrir. C'est comme si t'arrivais à l'improviste. Bref. T'es salut, bon, Mathieu. Les effets sonores sont vraiment parfaits chez toi. Bonjour, Stéphanie, ça va bien? Oui, ça va bien. Tu vas passer, dans le fond, quoi, 2h30 prochaines ensemble avec moi, dans le fond, c'est ça? Oui, malheureusement, pas les 3 heures complètes, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive. De toute façon, tu vas rester avec les auditeurs pour une autre heure après ça. Oui. Avec une belle émission pour les auditeurs du jeudi. Avant-dernière émission. Wouhouhou! Non, c'est pas wouhou, c'est plus bouhou. Ouais, c'est plus triste. Je suis vraiment triste en plus. Ouais, bref. C'est pas grave. T'as des bons plans pour ton avenir. Puis c'est pas la dernière fois qu'on t'entend. C'est fou de toute façon, même après la même émission. Bon. On va passer aux prochaines positions. C'est les 15e du côté anglo. C'est J.J. Ibsen and the Paper Crown avec Basement Pleasure Dome. C'était une nouvelle entrée la semaine passée. Ça monte de deux places. Et côté franco, Martin Léon avec Je te prends par les cheveux de son album Les Atomes qui descend de trois positions. C'est au palmarès, c'est fou. Sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières. 89,1 FM en majuscule. Dogs and cats always fighting the same battle, more inclined to field my questions than to give my prayers an answer. It is unknown whether all these bells and whistles are the thorns in all the thistles in my side exposing bone. In a routine of sleepless nights, we fossilize. Living 6 feet underground. JJ Epson and the Paper Crown avec Basement Pleasure Domes. C'est en 15e position. C'était une nouvelle entrée la semaine passée. Et du côté franco, ça descend de 3 places. Je te prends par les cheveux de Martin Léon sur l'album Les Atomes. On va faire un petit bloc de 3 pièces parce qu'on va sauter par-dessus The Rural Alberta Advantage en position numéro 14 anglophone. C'est la pièce Stamp. Ça descend de 10 places. C'est quand même sa 9e semaine. Ça commence à dater. Il y a beaucoup de choses dans le palmarès en ce moment qui durent, mais c'est parce que ça joue encore. C'est vrai. C'est comme ça. Mais on va l'entendre, Peter avec Réfractaire. Nouvelle entrée aussi la semaine passée, ça monte de 6 positions. Le top en marais, c'est fou! Sur le plancher, danse, appétit, mensonge. Mais à quoi tu penses? À quoi tu penses?

On est rendu aux positions numéro 12 du côté anglophone. On va entendre Wolf and Cobb avec Master. C'est stable et c'est sa quatrième semaine de présence. Et côté franco, Tractor Jack avec La fille du président en 12e position et ça descend de une place. Et restez là parce que tantôt, on va voir les meilleurs moments d'assemblage requis dans un instant classique. Chez ses parents. J'ai cherché pendant des années la fille que j'aimerais aimer. Quand je l'ai connue, elle était polie et bien habillée. Elle n'avait même pas 18 ans. C'était la fille du président. Master de Wolf and Cub, stable en position numéro 12, anglophone. Et avant, c'était Tractor Jack avec La fille du président. Avant de passer à nos prochaines positions, c'est-à-dire les 11e, on a créé un monstre et We Are Enfants Terrible. Terrible. Terrible. Voici le segment, le bloc, un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 11 avril 2011. Je corrigerai si j'ai tort parce okay. que le nom est long. Ouais, le titre est vraiment très long. Stella was a driver and she was always down. Ok, attends, je vais te corriger deux, trois fois. J'aime ça. Elle aime ça? Elle aime ça beaucoup, moi. Pour ça, j'ai vu ça. Merci, man. Aujourd'hui, je pense qu'on peut se découvrir un peu. Un peu, moi j'irais juste avec un petit coupe vent peut-être au pire. Petit coupe vent, ouais. Imperméable. Ouais, ça, ben, une capuche parce que sinon, pas de capuche, attention. T'as des cheveux tout tracés. C'est un petit peu sûr. C'est pas un super héros, tu peux juste enlever ta cape. Oh, ça c'est bien vrai. Super héros comme dans la pièce de Takotsubo qu'on écoute. Pas pire, hein? Agréablement sûr. Merci. J'aime ça la fin. Ouais, hein? C'est très calme. Ça me rappelle aussi un petit bumper d'Assemblage Requis. Oui. Qui fait la même chose avec la même musique puis qu'on parle par-dessus puis ça a l'air de ça. Là, faut que t'expliques c'est quoi un bumper. C'est une affaire qui envoie ou revient d'une publicité, tu comprends? C'est un genre de petit... Un intro-outro? Ouais, ben c'est pas un... Moi, non, mais proche de... OK. Si on veut un peu. Un peu, ça, mettons, ça, c'est une intro de chronique qu'on va faire jouer, mettons, pour parler de sport, mettons. Ça, c'est une intro. L'inconduite de partie. C'est ce que je vais faire là, c'est un fade vers le milieu, fade, mais pas complètement out, OK? Parce que tu veux une tune en background. C'est ça, exactement. Ouais. Comme mettons ici, là, je partirais un, ce qu'on appelle un bed dans le domaine. OK? Ça va jusque là? Voilà. D'accord. Bon. Et là, c'est un bon discours, ça. Est-ce que je peux faire une demande spéciale oui. pour une chanson? Ben oui. J'aimerais ça entendre Smith Westerns. C'est un groupe de jeunes garçons autour de 17-18 ans et c'est excellent, donc. Une bonne écoute. Ouais. Ça donne drôle, c'est dans une station de radio, quelqu'un demande une demande spéciale, puis le gars, il l'a instantanément de préparer, puis ouais. elle commence à jouer, ça sonne vraiment pro. Merci, Marie-Pierre. Merci beaucoup. Ben, le matin, ouais. des fois, ça m'arrive, tu sais, oh, je joue d'orange, mais ça arrive, c'est déjà arrivé. Pour vrai? Ah oui, oui, ben moi, tu sais, l'inattention, c'est moi. Mathieu Plante, quand il a pas ses lunettes, là. C'est ça, exactement. Ça prend un petit bout de temps avec... Hey, j'aurais le nom d'une émission de rap, Rap Attack. Rap Attack? Ouais. Ah, OK, ouais, ouais. C'est comme Art Attack, mais avec du rap, finalement. Ouais. C'est ça? C'est comme un bricolage. Je sais pas, ouais, ça pourrait être bien. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre, mettons, une émission de rap qu'on pourrait appeler Saran Rap? Saran Rap. Ouais. Ah! C'est bon, ça aussi. Ouais, ouais. Rap au poulet. Rap au poulet avec sauce à César, bien sûr. Il n'y a pas d'autre. Hein? Bah, je suis sûr qu'on pourrait en trouver toute la journée. Et toi, t'as l'émission de rock à nommer, mettons. Rock ABC, mettons. Rock ABC. Mettons. Nous autres, ça pourrait être Rock and Roll. Rock and Roll, ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ou sinon, Sylvain Larocque. Sylvain Larocque, j'adore ça. On est rendu très bon. Là, ça va vraiment beaucoup trop loin. Je pensais que t'avais lavé tes draps. Non. Non, ça viendra. Ça viendra. Oh! Hey, on pensait pas avoir des jeux de mots poches demain matin. Hein? Mais non, c'est ça, on a reçu l'album. Et contrairement à d'autres radios que vous écoutez peut-être pas, et j'espère pour vous, on va vous jouer des vraies pièces de cet album-là au complet, même plusieurs. Hey. On jouera pas des extraits d'il y a deux albums. On parlera par-dessus. Oh, toi, je te dis, t'es comme, je dirais, un genre de Macaulay Culkin dans... Je suis pas sûr que c'est un compliment. Dans un moment, j'ai raté l'avion. T'es un vrai petit génie. Ah, bon. Ah, c'est ça que je voulais dire. On fire! Parce qu'on est on fire ce matin, comme tout le monde. Quoi? Les gorilles sont en feu. Qu'est-ce qu'il y a? T'as les fesses rouges? Hein? That's right. J'adore ça. Tu es capable de faire un nœud dans la queue de cerise, non? On en a parlé hier. Non. Stéphanie Gagné, hein? Incapable. Incapable. Ah ouais? Ouais, elle l'a fait devant moi l'autre fois. Ah. On a des beaux passe-temps, Stéphanie Gagné. Ouais, c'est ça. Belle journée. T'as bien excellent? Ben, apparemment. Ah! On est pas là pour se défendre. Ah! Là, t'es là pour te défendre, Stéphanie Gagné. Moi, c'est sûr que j'appelle monsieur le DG. Ah oui? Il a dit avant que je t'habille avec ma langue. Mais t'es habile avec ta langue. Tu fais des queues dans des nœuds dans tes queues de cerise. Mon Dieu. T'es né d'une queue, Stéphanie. Voyons, non. T'as du talent, t'es habile. Là. Assume-toi là-dedans. T'es en train de cracher son thé glacé. Puis... Ouais. OK, on était rendu dans le palmarès. Non. On était dans la chronique Un instant classique, le bloc où on présente les meilleurs moments d'assemblage requis. C'est du lundi au jeudi entre 7h et 9h. Stéphanie Gagné, t'as ta dernière chronique Take Me Out et ta dernière de ton plat favori. Hein? Ben, pour oui, l'instant. Oui, lundi. Lundi entre 7h et 9h. Ouais, ben ça va plus être vers les 8h10. Probablement. Il faut faire la pub pour l'émission complète, par contre, pas juste ta chronique, il n'y a pas rien que ça dans la vie. C'est correct. C'est ça. Cet été, on verra. Et cet automne, peut-être. On verra bien les choses que tu feras. Ça reste à voir. Ouais, c'est ça. Tout est un peu flou ces temps-ci. Pas de promesses. Non. Je veux pas faire les promesses que je peux pas garder. Non, tu feras pas de nœuds que tu ne pourras pas dénouer. N'importe quoi. C'est toujours au palmarès, c'est fou. Qu'on lance de la meilleure musique que c'est quoi à vous offrir. On est rendu au position numéro 11 du côté anglophone. Ce sera We Are Enfant Terrible avec Make You Laugh. Ça monte de 7 places. Et côté francophone, on a créé un monstre avec Je pleure ou je ris qui descend d'une position. C'est sa 3e semaine au palmarès. Eh ben. sable jusqu'au bout du rail. Et les cœurs de neige et les âmes de corail. We were conduits of love, lit like phosphorescents, half asleep and self-indulged. We've lost our Galaxy avec The Angels Are Surely Weeping en 10e position. Ça monte de 6. Et en franco, ça descend de 3, les Breastfeeders avec 400 000 sur l'album Dans la gueule des jours. Donc, on a dépassé le point de sauvegarde, la mi-chemin de notre palmarès. Déjà. Comme dans Mario Bros. Comme dans Mario Bros, mais on n'a pas les effets sonores. Copyright Nintendo. Il nous empêche. Non, c'est pas vrai. C'est pas qu'on pourrait. Alors, on va aller directement au numéro 8 parce qu'on saute par-dessus les 9e en anglophone. On aurait entendu The Deers avec Thrones qui est stable. Et en francophone, c'est Monogrenade avec la pièce M'en aller de l'album Tantal. Alors, en 8e position anglophone, tout à l'heure, on va entendre The Megaphonic Thrift avec The Undertow, l'ancien numéro 1 de la semaine passée. Et on commence avec l'ancien numéro 1 francophone, c'est les Handclaps avec Cliché. C'est drôle comment les choses arrivent dans ces palmarès-là. C'est à dire que les pièces se suivent main dans la main. C'est vrai. C'est toujours bien. Tout à fait. Vous êtes au palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Retour Bio Bazar, Galaxy, Chinatown et The New Pornographers au 89 FM. C'est des palmarès, c'est fou. C'est fou. 89. 1-1. Numéro 8. We'll be right back. Un bon petit bloc piquant, comme on les aime. C'était The Megaphonic Thrift avec The Undertow, position numéro 1 de la semaine passée, maintenant en 8e place. Et avant, les Hand Claps avec la pièce cliché, 6e semaine au palmarès. Les Hand Claps qui ont malheureusement, se sont pas rendus en finale des Francouvertes. Non, mais on les aime quand même. Oui, on va en parler tout à l'heure un peu plus dans la chronique Guess What au début de la 3e heure. C'est une très bonne nouvelle. J'espère que bien des gens qui ne se sont pas rendus jusqu'au sommet vont quand même continuer leur carrière musicale. J'espère. Vous êtes toujours au palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Est-ce que je dois vous le dire? Probablement parce que je le fais à 10-15 minutes d'intervalle à chaque fois. On est rendu pour son numéro 7 du côté anglo, c'est stable. 9e semaine pour The New Pornographers et Moves sur l'album Together. Et côté francophone, Drop of Green Dragon de Bio Bazar qui monte de 9 positions. On écoute ça sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. numéro 7. The New Pornographers avec Moves qui reste stable en 7e position, 9e semaine au palmarès. Et en franco, c'était Bio Bazar avec A Drop of Green Dragon. Ça monte à la 16e place. C'était nouveau la semaine passée sur l'album Whale's Vagina. Ah, qu'on aime la fin de cette pièce-là. Moi, je l'aime bien. Oui, elle serait beaucoup meilleure si on parlait pas par-dessus et qu'on essayait pas de chanter par-dessus aussi. Mais bon. Bon point. C'est de la radio, hein. Ceux qui font à la radio, tout le temps parler par-dessus les pièces. Sauf ici. Hein? Est-ce que j'ai l'air d'avoir ça sur le cœur aujourd'hui? J'en ai parlé à Assemblage Requis ce matin. J'arrêtais pas de blaster ça. Mais sérieusement, t'sais, nouvel album de Malajub, et ils reçoivent ça. Ils font jouer genre une pièce de là, deux albums, genre, puis ils partent par-dessus. C'est pas la fin. Bref, on est rendu aux positions numéro 6 du côté anglophone. C'est Atomic Baobab avec Unstable. Elle aussi. Elle reste stable, oui, encore une fois. Encore stable, en 6e position. Et la pièce s'appelle Unstable. Je crois rêver à chaque fois. Et je crois rêver à chaque fois que j'entends Atomic Baobab, même longtemps après qu'ils aient gagné Marty de la relève. Nous, on les fait jouer parce qu'on les aime aussi. Et du côté franco, c'est Galaxy avec Piste 1, 9e semaine. Mon Dieu, c'est vraiment du vieux stock. Colin, Stéphanie. My God. Galaxy avec Piste 1. Au 89 FM, c'est fou. On dirait qu'on en a beaucoup sur le cœur. Faut qu'on se vide des fois. Attends, ça sonne croche quand je dis qu'il fallait qu'on se vide. Ouais, je sortais le ouais. Come on! 6. Baobab avec Unstable en 6e position côté anglophone. Et en franco, Galaxy avec Piste 1, ça descend d'une place, 9e semaine de présence. Là, on commence à avoir beaucoup de choses qui durent depuis 9 semaines, donc je pense qu'on va avoir un petit ménage à un moment donné. Là. Peut-être pour la semaine prochaine. Peut-être, peut-être. Il y a une pièce qui est là depuis plus longtemps encore, on l'entendra un petit peu plus tard dans l'émission. Oui, mais tellement bonne! Ben, je sais, mais tout ce qui reste longtemps, c'est parce que c'est bon ou qu'il se passe rien en musique. Ça dépend des saisons, je dirais que ça, c'est plus l'été que ça arrive. On est rendu position numéro 5 du côté anglo. On va entendre The Almost et Chinatown. Mais avant ça, on va aller regarder ce qui se passe ailleurs parce que je pense qu'on est rendu à ce moment-là d'émission. Tout à fait, tout à fait. Parce que les palmarès, c'est fou. Faut arrêter de se leurrer. je dirais. C'est plus que le top 20 francophone et le top 20 anglophone. C'est aussi le top 30 des CD, le top 3 des canadiens, le top 10 loud et le top 10 électronique. Je vais commencer avec les nouvelles entrées du top 30 des CD. J'en vois deux. En 22e, il y a Come On avec Beyond the Pale Horse. Et en 20e, on les a entendus plus tôt dans l'émission Enjoy Your Pumas avec Commonality. Dans le top 3, troisième position qui reste stable, Mother Mother avec Eureka. Deuxième aussi stable, Chromeo avec Business Casual. Et première position, Ringo Death Star avec Color Trip. Dans le top 3 des disques canadiens, c'est presque la même chose. Par contre, il n'y a pas de Ringo Death Star parce que ce n'est pas canadien. Donc en troisième, on retrouve Atomic Baobab avec Atomic Baobab EP. En deuxième, c'est Mother Mother avec Eureka. Et en première, Chromeo avec Business Casual. Regardons un petit peu le top 10 électronique maintenant. Il y a 5 nouvelles entrées. D'accord. Shigeto avec Full Circle en 10e. Gold Panda avec Companion en 9e. Antonio Nyan avec Antonio Nyan. Onion Ring. En 5e, X-Rays avec X-Rays. Et je te laisse faire le top 3 qui inclut une autre nouvelle entrée. Oui, numéro 3, Small Black avec New Chain. 2, IMX. IMX, ouais. IMX, j'ai aucune idée. IMX. Ouais, IMX, ça a de l'allure. Avec Volatile Times. Et première position, nouvelle entrée, Adventure avec Lesser Known. L'électronique, c'est pas nous les experts, hein? C'est Corbeil. Non, attends, c'est. c'est le vestibule. le spécialiste. Bon, c'est samedi soir dans le vestibule à partir de 21h. Le top 10 loud maintenant, deux nouvelles entrées en 10e, Various Artists. Donc, ça veut dire que c'est une compilation, hein? Avec Sinatra. C'est, je crois, des pièces de Frank Sinatra reprises par des artistes dans l'électronique. Dans le loud, dans loud. C'est ça. Ouais, tu comprends ce que je veux dire. Alors, en cinquième position, on trouve Whitesnake avec Forevermore. Numéro 3, Motorhead avec The World Is Yours. Deuxième, Children of Bottom avec Relentless, Reckless, Forever. Et première position, Amon Amarth avec Searcher Rising. Voilà pour ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. On retourne dans les palmarès top 20 francophones et top 20 anglophones. Pour aller entendre du côté anglophone, The Almost avec Birmingham, ça monte de 5 places. Et on commence avec Chinatown et la pièce Tant pis pour moi qui monte de 3 positions. Ah, c'est fou, dans vos oreilles. Tu t'en vas comme ça, sur cette musique qui te va tellement bien. C'est l'amour, ce sourire détendu, à compter les étoiles quand nous serons ensemble. Amoureux pour la vie, amoureux pour la vie. Je te connais, mais sous tes survêtements d'intérieur, en coton comme autant des esclaves, celui que je veux être à partir de maintenant, aujourd'hui et demain, toujours et à jamais. Tant pis pour moi. Cette musique qui te va tellement bien. C'est l'amour, ce sourire interdit qui me hante les nuits. Où nous serons ensemble, amoureux pour la vie, amoureux pour la vie. Tant pis pour moi. Surpeuplé, c'est l'amour, ce sourire défendu qui me cherchait des poux dans le simple appareil d'une beauté sans pareil, arraché au sommeil. Tant pis pour moi. to breathe. This came from this awkward limp I got from myself. I wanna be just what I need to be. I'm getting free just like I gotta be. The Almost et Birmingham, position numéro 5, ça monte de 5 places. Et juste avant, on a entendu Chinatown avec Tant pis pour moi, qui monte de 3 positions. C'est tout pour la deuxième heure, il nous en reste une troisième et dernière tantôt. On va avoir des artistes comme Karim Ouellet, Taco Tubo, Gatineau, Le Globe, Mother Mother, Chromeo, Cardinal Family Singers et Ringo Death Star. Qui seront nos positions numéro 1, c'est ce que vous saurez dans la troisième heure des Palmarès. C'est fou, restez là. Ah, c'est fou la rodage. Troisième heure des palmarès, c'est fou pour la semaine du 11 au 17 avril 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, Stéphanie Gagné. On est déjà rendu au top 4, Stéphanie, dans cette émission-là. Il ne reste pas grand-chose à faire jouer, hein? Mais qu'est-ce qu'on fait, coudonc, de ce temps-là? Ben, tantôt, il va avoir la chronique Guess What. Ah, c'est vrai! On va avoir le temps à faire jouer une pièce du palmarès électronique. Vrai! Mais on va commencer par nos positions numéro 4 du côté anglophone. On va entendre Cardinal Family Singers avec You Will Never Take This Song qui monte de 10 positions. Mais on débute avec Le Globe qui monte de 2. Voici Hors du temps au 89.1 FM, c'est fou. Ouh. Ouh, ah ouh. numéro 4. I could hear the creaking of my door. I could hear your footsteps on the floor. But I never saw you. You were dressed in black. And when I turned on the lights, everything was gone. In the snow I found your tracks. Looked like you were never coming back. You only left me with my guitar. And that's the one mistake you made. You will never take this on. I can't remember when we got along. You will never take. Your picture in the paper today. Looks like everything is going your way. That's all fine and good with me. Cause I still got something to say. You will never take this on. When we got along, you will never take this off. I can't remember when we got along. Cardinal Family, Family Singers, j'essayais de dire trop vite. Cardinal Family Singers, Cardinal Family. On dirait un groupe d'antan, genre de country western, genre, mais en anglais, tu sais. Cardinal titre. Family Singers. C'est vrai. Présente. La pièce You Will Never Take This Song, ça monte de 10 places en 4e position, là. Et du côté francophone, on a entendu la formation Le Globe avec la pièce Hors du Temps. Stéphanie, je ne t'ai pas demandé avant et j'aurais dû le faire. Est-ce que t'es prête? Oui. Ok, j'espère que t'es prête parce que c'est la chronique Guess What? Guess what? Guess what? Guess what? Guess what? Qu'on se connaît? Guess what? Guess what? Stéphanie Gagné, ton blog de nouvelles artistiques et culturelles Guess What? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe beaucoup de choses, donc je m'excuse à l'avance si ma chronique est longue. Je vais essayer de faire le plus vite que je peux. Je pense que les gens sont habitués. OK, on commence. TV on the Radio ont sorti un film cette semaine pour accompagner la sortie de leur nouvel album Nine Types of Light. C'est un film de une heure. Dans le fond, c'est 10 vidéoclips, un pour chaque pièce de l'album. Et on peut écouter le film en entier sur somekindofawesome.com. Et un autre film qu'on peut retrouver sur ce site-là, c'est le nouveau documentaire des Foo Fighters intitulé Back and Forth. C'est sorti récemment et évidemment, ça s'est retrouvé sur Internet. Un film un peu plus qu'une heure et demie. On peut retrouver ça sur somekindofawesome.com. Adresse qu'on aime retenir parce qu'il y a bien des choses là-dessus. Vraiment, c'est un site que je visite à tous les jours. Très pratique. Par contre, c'est un site Britain. De Grande-Bretagne. Grande-Bretagne. Donc, un site britannique. C'est ça, je cherchais. Ou anglais, même si les gens disent anglais pour n'importe quoi. C'est un site anglais, donc ouais. Des fois, quand ils parlent un festival, par exemple, ça ne nous affecte pas vraiment parce que c'est là-bas. Ouais. Bref, c'est le grand retour de Champion suite à son, son cancer. Il va être de retour sur scène au Festival de jazz le 30 juin au Metropolis. Excellente nouvelle. Oui, très cool. Charlotte Gainsbourg a sorti une nouvelle pièce. Évidemment, on peut retrouver ça sur somekindofawesome.com. Ah, mais qu'est-ce qu'on retrouve pas sur somekindofawesome.com? Pas grand-chose. La pièce s'intitule « Mémoire ». Ensuite de ça, je suis sûre que tu en as déjà parlé cette semaine à Assemblage Requis, l'album de Malajube. Bien sûr! Depuis hier, on pouvait le précommander déjà, mais on ne pouvait pas l'avoir tout de suite en version numérique. Et là, depuis hier, quand on le précommande, on l'a automatiquement en version numérique. Donc, on peut écouter l'album au complet. Mais on peut aussi l'écouter, ouais, c'est... À partir d'aujourd'hui, je pense qu'on peut l'écouter en streaming. En streaming, exactement. J'allais dire, j'avais précommandé il y a quand même un certain moment, un bon 2-3 semaines. Et puis, depuis ce temps-là, j'ai reçu comme 4 ou 5 courriels. Donc, soyez pas surpris, si vous précommandez l'album, vous allez être harcelé par des vidéoclips et des choses, des cadeaux qu'ils vous donnent pour avoir précommandé. Donc, ça vaut vraiment la peine, c'est ce que je veux dire. Ça coûte juste 10$. Oui, exactement. Ouais. 10$ et il y a aussi plein de deals. Si vous voulez un hoodie, un t-shirt, etc. C'est très cool. Et parlant de Malajube, ils ont sorti un nouveau vidéoclip pour leur premier single, Synesthésie. Super beau vidéoclip, j'ai vraiment aimé. Allez voir ça. Ensuite, c'est le processus entre l'écriture de pièces pour un album et la sortie physique de l'album. C'est genre très, très, très long. Très long. Et là, il y a des artistes qui ont décidé d'aller à l'encontre de ça et d'écrire un album en 8 heures. OK, ils botchent, c'est ça que ça... Et non, ils voient si ça peut fonctionner de passer par-dessus les compagnies disques qui prennent du temps puis qui essaient de créer un buzz, etc. Mm-hmm. Et le résultat final va sortir 10 heures après. Okay. Donc, c'est vraiment rapide. C'est Ben Folds, Amanda Palmer, Neil Gaiman, un écrivain, et Damien Coolidge de OK Go. Oh, Stéphanie, tu m'as caché ça! Ha-ha! Et c'est ça, ils vont participer à ce projet-là le 25 avril entre 16h et minuit. Et on peut entendre la session d'enregistrement live sur le site www.rethink-music.com, musique en anglais. Mm-hmm. Rethink-music.com. Donc, on peut entendre ça live pendant qu'ils sont en train d'enregistrer des chansons. J'adore l'idée. Moi aussi, j'aime beaucoup ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Une nouvelle que j'étais vraiment très excitée, que j'ai lue hier soir, Taking Back Sunday vont sortir un nouvel album. J'adore Taking Back Sunday. Album homonyme qui va sortir le 28 juin. Il y a eu plusieurs changements dans les musiciens depuis leur premier album, Tell All Your Friends, en 2002. Mais là, pour cet album-là, ils reviennent aux mêmes musiciens qu'il y avait en 2002, okay, qui ont parti en 2003. Donc, ils ont sacré dehors les nouveaux, c'est comme plate pour eux autres. C'est poche un peu, mais je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec eux autres qui étaient dans le band récemment. Ils auraient pu faire quelque chose tous ensemble, il me semble. C'est louche. Enfin bref, ils reviennent à ce line-up-là et il y a déjà un nouveau single qui s'intitule El Paso. C'est beaucoup plus rock et beaucoup plus hardcore que, je pense, tout ce qu'ils ont fait. Surtout que le dernier album, New Again, était très, très calme, très, très commercial et accessible. Mm-hmm. Mais avant ça, Tell All Your Friends, Louder Now, c'était un peu plus emo, punk. Mais là, c'est vraiment assez hardcore. C'est un petit peu de changement, okay, pour Taking Back Sunday. Nouvelle que j'ai lue tantôt, UC Party vont prendre une pause d'une durée indéterminée après la mort de leur drummer. Ils ont changé de nom. Avant, c'était UC Party We Say Die. Ils ont changé leur nom pour UC Party. Ils sont retournés en studio. Finalement, ils ont cancellé leur tournée avec Young Galaxy récemment. Et là, ils annoncent une pause. Et j'ai l'impression que ça va être fini pour UC Party. Ils ont fait un vidéoclip, par contre, un peu en cadeau, qu'ils ont envoyé en même temps que la nouvelle de leur pause. C'est pour la pièce Laura Palmer's Prom. Pièce qu'on a eue sur le palmarès de C'est fou, on passe. Très, très bonne. Ça commence à faire longtemps, mais quand même, oui. Non, la nouvelle est tombée il y a tellement longtemps que pour la mort du batteur, ils ont vraiment essayé de faire quelque chose, puis ça n'a juste pas marché. Ils sont peut-être trop déprimés, ça peut arriver. Hein. Peut-être. Ouais. Francouverte, j'ai dit que j'en parlerais tout à l'heure. On sait maintenant qui va participer à la finale. Canaille, Chloé Lacasse et... Karim Ouellet! Yay! Je suis vraiment contente. J'espère tellement, tellement, tellement que c'est Karim Ouellet qui va gagner. Là. C'est vraiment cool. À part Karim Ouellet, les deux autres, on les a pas tant fait jouer. Sur la compilation des Francouvertes, il y a une bonne, j'imagine, une bonne vingtaine de pièces à peu près. Je n'ai pas compté, mais environ une vingtaine. Et puis, on a joué pas mal tout, sauf les deux nominés. C'est vraiment bizarre. C'est sûr qu'on aimait le moins, c'est les moins accrocheux. Je sais pas pourquoi on les a pas fait jouer. Je sais pas, faudrait que je les réécoute, mais ça m'a pas accroché quand je les ai écoutés la dernière fois. Donc, bref, j'aimerais bien que Karim Ouellet gagne. Mm-hmm. Mais habituellement, même ceux qui n'arrivent pas en première position, ils finissent par avoir une carrière. Alex Nevsky, Mono Grenade, l'année passée, par exemple. Ouais. Alors que Bernard Adamus avait gagné. C'est comme Marie-Hélène Thibault, c'est clairement la meilleure. Clairement la meilleure. Oui, oui, c'est vraiment pareil. Pareil, pareil. Belle comparaison. Oui, je sais. Il reste deux nouvelles. La programmation en salle des Francofolies est sortie. Je vous nomme quelques artistes, mais dans le fond, je vais vous en nommer une tonne. Grand Corps Malade, Béatrice Bonifaci, Gatineau, Galaxy, Loco Locas, Radio Radio, Numéro, Jérôme Mignard, Mara Tremblay, les Breastfeeders, Mono Grenade, Danny Placard et Yann Perrault. Très, très cool. Reste à voir la programmation extérieure pour les Francofolies. Mais au moins, on sait qu'il y a pas mal de bons artistes dans la programmation en salle. Puis on sait qu'il n'y a pas d'Eminem, contrairement à Oshiaga. C'est ma dernière nouvelle, justement. Le line-up de Oshiaga qui est sorti lundi soir à minuit. J'avais tellement hâte, mais j'ai été déçue. Mais c'est parce que les gros noms, c'est pas des gros noms pour nous autres. Les Underground 2. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais dans le fond, je pense que Oshiaga essaie d'aller chercher des gens qui vont pas à Oshiaga normalement. Clair. Et c'est sûr que ça va marcher avec Eminem. Là. C'est un nom énorme. C'est juste là. Parce qu'ils vont aller là pour Eminem, puis ils vont voir le reste, puis ils vont dire « Je connais pas ça, ça doit pas être bon. Je connais pas ça. » Tu sais, ce qu'on entend tout le temps dans des endroits, mettons, des gens qui disent ça. « Je connais pas ça. Je connais pas ça. C'est pas bon. » Ouais, c'est ça. Voyons-là. Hey. Là, je suis un peu déçue. Eminem, The Flaming Lips, que moi, j'écoute pas beaucoup. Elvis Costello, oui, c'est vraiment... un peu un personnage mythique que tout le monde connaît, mais j'irai pas plus le voir. Je le connais pas assez bien, puis je l'aime pas assez pour aller le voir. Donc, je suis un peu déçue des gros noms. Mais par exemple, il y a plusieurs bands que je veux aller voir qui sont un petit peu moins connus. Mm-hmm. Ouais, un petit peu moins connus quand même. Death Cab for Cutie. J'ai hâte. Je me peux plus. Tokyo Police Club va être là. Laisse-moi les nommer, Mathieu Plante. Okay, je parle. Death From Above, 1979, Sit and Color, Ratatat, Carquois, Malajub, Brand Van 3000, Beirut, Crystal Castles, The Sounds, The Pains of Being Pure at Heart, White Lies, Jamie XX, Smith Westerns, Galaxy, Mother Mother, Tokyo Police Club, P.S. I Love You, Jimmy Hunt et Jésus les Filles. Wow! Ça, c'est juste ceux que j'ai décidé de nommer. Mmh. Et on ne sait pas encore lesquels vont être quel jour. On sait que dans ce genre de festival-là, il y a des affrontements. Il faut que tu fasses des choix déchirants. Mais le pire, c'est que habituellement à Oshiaga, c'était sur deux jours. C'était samedi, dimanche. Oui. Et là, maintenant, ça va être sur trois jours. Mmh. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la programmation parce que je ne serais pas capable d'avoir congé pendant trois jours pour aller là. Puis c'est long, trois jours au soleil, que tu es debout toute la journée. Là. Ouais. Fait que... Et c'est beaucoup d'argent. Oh oui. Oh, que c'est beaucoup d'argent. J'ai entendu parler que ça sera un 250 pour les trois jours. Mm-hmm. Ah, il y avait les prix sur le site aux grandes nouvelles. Oui, on peut se les procurer à partir de demain. Ouais. Moi, je le ferai pas demain parce que je sais pas si je vais pouvoir. Est-ce que ça va passer sur la visa? Non. Oh oui! Mais de toute façon, je sais pas si je vais pouvoir prendre pour les trois jours. Je vais attendre que la programmation sorte pour savoir quel jour je vais aller voir, quel choix je vais faire entre quel groupe. C'est très bien qu'ils vont disperser les choix les plus déchirants pour les amateurs d'underground. Les styles de musique différents, ils vont en étaler sur les trois jours, c'est clair. Ouais, je sais, mais il y a plusieurs groupes que, tu sais, c'est sûr que je veux voir. Admettons, tu sais, comme Tokyo Police Club, je les adore, mais je les ai vus la semaine passée. Ouais. Fait que ça va jouer un peu. Moi, je veux voir Death Cab for Cutie, ça c'est clair. City and Color, Mother Mother. Ça c'est comme mon top 3. Mm-hmm. C'est les trois bandes que je veux voir, puis c'est mieux d'être pas sur les trois jours. Bon. Les menaces avec ça? Sinon, ça va faire quoi là? Mais il y a plein d'autres groupes que je veux aller voir aussi. Malajub, je les ai déjà vus deux fois, ça me dérangerait pas de les revoir. Carquois, je les ai vus une fois. Mais c'est ça. Ah, t'avais pas besoin de la recommencer, j'avais fini, mais c'est d'habitude, pas grave. C'est parce qu'à chaque fois que je le laisse finir, tu me dis, il fallait que tu repartes le fond. Fait que je fais comme, ok, c'est fini, je vais repartir le fond. Les filles, hein. Ah, on est de même, nous autres. Vous êtes exactement comme ça. C'est bien décrit. Bon, donc, t'as un choix musical pour nous, pour ta collègue Gassois. Oui, c'est très étrange pour moi, étant donné que j'écoute pas beaucoup d'électronique, mais j'ai entendu une publicité de Prada cette semaine avec la pièce Ratatat. T'es fancy pas mal avec ton Prada. C'était sur un blog fashion, tu sauras. Je veux juste te dire fashion, comme ça en français. C'est tout un blog fashion. Non, pour vrai, c'est un blog que j'ai déjà parlé, Culture Club. Ouais. Et elle a fait un post sur les publicités qui sont de l'été. Là. Fait qu'il y avait Chanel, Dior, enfin bref. Puis c'est ça, dans la pub de Prada, il y avait Ratatat avec la pièce Mirando, que j'ai vraiment bien aimé. Ça donnait un petit quelque chose à la publicité. On l'écoute à l'instant. dans les palmarès, c'est fou. Ratatat et la pièce Mirando. Dans le bloc Guess What de Stéphanie Gagné. Oui, Ratatat qui va être à Oceaga cet été. On va te retrouver à Crime. Tu fais tout le temps ça, hein? Partir le thème comme deux, trois fois. J'ai aimé ça, moi. On dirait que je shake du doigt quand je presse le bouton. Donc, Guess What, une autre chronique, une dernière chronique dans le cas de Guess What, la semaine prochaine. La semaine prochaine, dernière. Eh oui. C'est triste. Ça n'a pas le choix à un moment donné de finir. Les affaires, comme l'expression dit, les affaires n'ont pas le choix de finir à un moment donné. C'est ça la phrase de slogan. Toute l'affaire qui doit finir à un moment donné. Nothing lasts forever except the certainty of change. Wow! C'est beau, hein? C'est beau, hein? J'aime ça. Répète-moi ça. Nothing lasts forever except the certainty of change. OK, rien ne dure pour toujours à part le... Sauf la certitude que tout change. C'est ça. Bon. Hein? D'accord. Puis oui, je suis au courant que la phrase, c'est toute bonne chose à une fin, c'est quand même. On est rendu pour son numéro 3. Du côté anglophone, c'est Mother Mother avec Chasing It Down. C'est stable et ça dure depuis 7 semaines. Et tantôt, on parlait d'une pièce qui dure encore plus longtemps, 10 semaines. C'est Karim Ouellet qui va être finaliste aux Francouvertes avec la pièce Météor qui monte de une position. Et on lui souhaite bonne chance à ces Francouvertes-là. Hein? Oh que oui! Oh que oui! Oh, ciel!

without your consent, without your okay. All my friends and all my family suddenly don't understand me. Understand I'm not the man they think I am. Oh, man, go. Oh, where to go? Oh, where to go? Oh, where to go? Oh. Try taking it down, try taking it down. Mother Mother avec la pièce Chasing It Down qui reste stable en troisième position. Et en franco, c'était Karim Ouellet avec Météor qui monte d'une place. Ça fait 10 semaines que c'est là. On s'entend pour dire que ça a déjà été numéro 1. Donc ça remonte là, mais c'était juste parce que ça avait comme redescendu après avoir monté. C'est comme un zigzag. Là, ouais, un peu. Dixième semaine, ça commence à être vieux. D'après moi, c'est pas mal dans ses derniers instants au palmarès. Je dirais quelques semaines encore, mais oui, c'est sur sa fin, mais ça peut pas descendre du numéro 3 à plus être sur le palmarès. Ça se peut juste pas. Je penserais pas. Moi, j'espère que ça va être graduel comme changement. Sinon, ça pourrait vraiment m'affecter. T'affecter personnellement. C'est ça. Alors, on est rendu aux positions numéro 2 des palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. En anglophone, c'est Ringo Death Star. Ça monte de 3 places avec So High. On l'aime, cette chanson-là. Oh, que oui! Et une autre chanson qu'on aime, c'est Super Héros de Taco Tsubo. Nouvelle entrée de la semaine passée. Ça monte de 15 positions. On devrait dire et préciser à chaque fois qu'on aime quelque chose. Je pourrais penser que ce serait redondant rapidement, par contre. Moi, j'aime ça. Hey, c'est bon, ça. Ça aussi, c'est vraiment bon. Cette petite chanson-là est bonne. C'est débile. Ah, je capote. Non, finalement, non. Non. Je vais te défendre contre les gros camions. Les robots, les explosions, les malheurs qui n'arrivent jamais seuls. Et quand tu pleures, j'essuie le seuil. Ta grande fatigue et la douceur qu'on peine à vouloir retenir. Jamais je ne te souhaitais de tels malheurs, mais cette fois-ci, personne ne meurt. À bord de ça, on court un peu. On ouvre la porte, on fourmillière. Sur le plancher, un peu perdu. Un peu écrasé par la solitude qui dépose toujours son pied là. Jamais je ne te souhaitais de tel malheur. Et cette fois-ci, c'est elle qui crève. Je vais te défendre contre les gros camions, les robots, les explosions, les malheurs qui n'arrivent jamais seuls. Et quand tu pleures, je suis le seuil. Ta grande fatigue et la douceur qu'on peine à vouloir retenir. Jamais je ne te souhaitais de tels malheurs. mais cette fois-ci c'est moi, c'est toi. On tourne et tourne autour de tout de nous pour moi. Qui s'essouffle, on s'accroche mal un peu partout, car le temps pèse sur nos corps. On tourne et tourne autour de tout de nous pour moi. Qui s'essouffle, on s'accroche mal un peu partout, car le temps pèse. Numéro 2. Ringo Death Star avec So High en deuxième position, ça monte de 3 places. Et en francophone, c'était Taco Tsubo avec Super Héros qui monte de 15 places. Parlant de Super Héros, notre stagiaire, tel un super héros, arrive avec sa cape mauve, mettons. Sa cape mauve. Qu'est-ce que tu vois de mauve? C'est moi, t'es là? Rien, j'essaie de te donner une couleur que t'aimerais pas que je te donne. T'sais. Ben, donne-moi le bleu, blanc, rouge aujourd'hui, c'est la journée. Ah, le bleu, blanc, rouge pour le début du série. On parlait justement de ça. Pétanque, ouais. Là, ouais. On parlait de hockey, là, en plus. Ouais, c'est sûr. Et en plus, je vais être au cinéma à soir. Je pourrais même pas être là dans les premiers instants. Ben c'est, là, c'est vraiment dommage. C'est un pouvoir court, c'est le cinéma qui vaut là, un début Source de cinéma. Ça sonne intéressant. Ouais, ça a l'air bon. Hein. Ça a l'air très bon. Ok, mettons. Arrêtez de m'écœurer. Là, au moins, je vais être là pour la fin de la game. En tout cas, via mon cellulaire. C'est ça, tu vas recevoir tes affaires que tu payes comme 3$ par mois pour te faire avoir par en avant puis par en arrière. Ça vaut la peine. De toute façon, il coûte rien mon téléphone. 3$ pour avoir les buts de chaque game. Là. 3$ par mois? C'est rien comparé aux 25$ que mon câble me coûtait, puis ouais. J'écoutais juste RDS sur mon câble. Mais je pense que Nicolas, en tant que vendeur de cellulaire, est très offusqué en ce moment. Je suis pas offusqué, là. Je dis, il y a des choses que tu fais, je peux pas croire que ça vaut ce prix-là. Là. Je peux pas voir qu'il y a du monde qui paye ça. Dans ce cas-ci, je sais qu'avec ton forfait, t'es illimité au niveau de tes textos, fait que tu peux demander à juste quelqu'un qui te texte pour qu'il y a des buts. Ouais, mais la personne, est-ce qu'elle va être vraiment aussi fiable que RDS? Écoute, c'est moi qui est responsable. Je suis le directeur des sports. C'est parce qu'on peut dire ça. Tu sais, ça, c'est le terme non officiel. Que reste encore 2-3 semaines pour ça. Oui, ouais, c'est le terme non officiel que je me suis attitré depuis l'an dernier. Non, j'ai ce terme-là depuis l'an dernier. Mais... Ah, mais ça, moi, je suis pape du monde depuis toute ma vie. Tu sais, c'est l'info qui me l'avait donné. Là, quand okay, même. Hein. Bon, alors, est-ce que tu peux m'envoyer un texto à chaque but? Pour revenir à ce que je m'en allais dire. Même en tant que directeur des sports, je crois pas que ça vaut la peine de payer de l'argent pour savoir quand quelqu'un a scoré. Je suis d'accord. Puis tu sais, je suis maniaque de ça, là. Ouais. Mais je peux m'en passer. Moi, je trouve que ça vaut la peine. Chacun ses priorités dans est-ce, la vie. Est-ce t'sais? Que t'as RDS? Oui. Pas moi. Ben, moi, je paierais plus pour RDS. Au moins, t'as une image, pas juste le texto. Ah. Ouais, mais ça coûte cher en maudit quand t'es même pas là la plupart du temps. Moi, je travaille le soir la plupart du temps, fait que je peux pas écouter les games. Faut que tu... Ben, il y a Canadien Express pour ça. Ah, ça, c'est le résumé du match. Oui, en à une minutes. Heure. On le coupe. Non, non, c'est, ils coupent la game à non, une heure. Ils coupent pas ça à une heure pour vrai. Le match, ça dure combien de temps dans la vraie vie? Là? Non, non, ils coupent la game qui va durer une heure. C'est trois périodes de 20 minutes. Fait le calcul, Mathieu. Ouais, non, je sais bien, mais ça aurait pu être. Il aurait pu couper dans le gras encore plus que ça puis faire l'émission d'une demi-heure. Mais non, une heure, c'est parfait. Non, non, non, parce que ça te permet de voir la game au complet. Au complet, sans le flafla d'analyse autour. J'imagine qu'il enlève ça. Ouais, il enlève tout ce qui est. Sauf les batailles. Sauf les batailles. Les batailles, ils montent aux deux secondes. Ouais. Puis, ils vont couper. À quelque part, en deuxième période, ils vont couper 5 minutes de la deuxième période. Ouais. Puis ça te permet de voir les batailles. Eh bien, ça a l'air bon. Ben, tout à fait. T'as un public pour ça. Ben oui, ben je sais bien. T'as un public pour ça. Ça te permet de suivre la game puis voir un peu bon, l'animosité qui se crée entre les deux équipes. On va voir ça à soir. Quitte à couper un 3-4 minutes. Ouais, ça va être bon à soir, en tout cas, disons-le. Et on va en parler demain à l'inconduite de partie de 9 à 11. Bien sûr. C'est la deuxième fois. Il a fait une pub dans C'était fou tantôt. C'est de la place où, tu sais, il n'y a pas d'affaires là. Même d'habitude, les autopromos pour toi. Là. Donc, c'est demain de 9h07:32 secondes à 10h59:59 secondes. Ouais, mais on parle du Canadien juste à partir de 9h30. Faut que les gens écoutent depuis le début, c'est ça l'idée de notre promotion. Ben, on commence avec la Q, par exemple. On commence à la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec. C'est tout aussi intéressant. C'est ça, c'est comme si tu faisais que c'était pas important, là, en disant. C'est pas ça, pas en tout. Okay. Juste que les gens qui nous écoutent à Laval, à Saint-Georges-de-Beauce, ben, ça leur dérange un peu moins les cataractes de Shawinigan. Bon, bon, bon. Ils sont vraiment fancy, eux autres. Ouais, ben, c'est malheureux. Moi, je voudrais avoir des équipes dans ces endroits-là, mais ça, c'est un autre débat. Ouais. Donc, on t'écoute demain matin. Demain matin. Merci beaucoup, Nicolas, pour ta présence encore. Moi, je viens juste de reporter des CD. C'est toi qui as ouvert mon micro, hein? Ben oui, ben. On a jasé, puis c'était un beau petit moment de radio, tu sais. Bon, bonne journée, là. On repart avec ta cape, là. Enroule ta cape, t'es le foulard et. Non? T'as pas ça que je parle que t'as une cape, hein? Fais ton bout, là. Enfin, y a pas de cape. Moi, faut que je te parle quand on va être à la pause. Ah oui, t'as quelque chose à dire. Oui, oui, oui. Ça peut pas se dire en nombre. Non. Hey, tu tombes bien, par contre, Nicolas, parce qu'on est rendu au position numéro 1. Vas-y. Je sais pas si t'as déjà écrit les palmarès, c'est fou. Y a-t-il à te dire que le numéro 1, c'est moi, là? Tu veux-tu qu'il fasse un jeu de mots plate sur toi? Non. Bon. Si t'es numéro 1, genre. Parce que les jeux de mots à Mathieu, c'est des numéros 2, bien souvent. Merci, c'est très gentil. Très, très, très gentil. Mais ton défi, vu que le numéro 1, je le vois devant moi, et puis imite-moi le numéro 1 du côté francophone en haut de la feuille. Tu dois me limiter et moi, je vais essayer de deviner c'est quoi. Ben, j'essaierai pas de deviner. Tu veux que je fasse la toune? Je veux que tu m'imites le titre de la position numéro 1. Ok, ok. Ben, je pourrais faire une charade. Ok, vas-y. Ok. Ou des indices, peu importe. Ouais, mon premier se déroule dans des débits de boissons. Mon deuxième se fait les mardis à l'UQTR. Okay. Et mon troisième, il y en a qui sont d'Angleterre, de France et du matelas. Donc, c'est Yves Rowland, dans le fond. C'est ça l'affaire. C'est le gars qui fait le karaoké Born to be Wild. C'est ça. Born to be Wild. C'est un roi, ça? Le roi. Ben non, ça, c'était mon troisième. Il y en a il y en a d'Angleterre, il y en a de France, il y en a du matelas, le king du matelas, le king d'Angleterre. OK, j'avais pas saisi. Il y en a aux cartes. Oui. Puis mes deux premiers, ben oui, c'était du karaoké. Donc, karaoké king de Gatineau. C'est parfait. OK, et du côté anglophone, est-ce que tu vois le numéro 1 ici? Oui. Vas-y. Oui. Ben écoute, OK, je vais donner un indice. Hey boy. Le hockey de séries éliminatoires, on revient là-dessus, on reste dans le thème. C'est des matchs soir après soir. Ah! Si on prend du soir après soir, night by night. De? Chromeo. Chromeo. Justement, il va pas avoir dans la série deux matchs de suite. Ça peut arriver. Ouais, je pense qu'il y en a un dans la série là. Sais pas pour la série là, j'ai pas regardé la cédule, mais ça peut arriver. Il y a une pause de deux jours en deux games, puis après ça, il y a deux matchs de suite, ça va être pas c'est, très. C'est cool. Vrai parce que les Bruins de Boston s'en vont s'entraîner à Lake Placid aux États-Unis, qui est l'endroit où il y a eu le. Là, je te parle peut-être, je sais pas, là, la profondeur de ta connaissance. Mais c'est où il y a eu le fameux Miracle on Ice en 80 du côté des Américains. Donc, on se met dans un endroit qui est beaucoup plus calme que les rues de Montréal. Okay. Aussi, tu sais, parce que qui dit Montréal, dit party, dit coffee, puis tout ça. Mm-hmm. On s'en va dans un endroit où pour avoir visité Lake Placid. C'est la ville ferme assez de bonheur, merci. Là. La clé l'emporte. Hein? Ben, c'est pas gros. C'est pas gros, Lake Placid. Ça a accueilli les Jeux Olympiques. À l'époque, les Jeux Olympiques n'étaient pas une machine financière comme ça l'a été, mettons, à Vancouver. Donc, c'est 10 000 personnes. Fait qu'imagine tes Jeux Olympiques à Bécancour. Oh! My God! My God! Moins la centrale nucléaire. Oui. Petit commentaire, j'aime ça. Politique. Non, j'ai rien contre les centrales nucléaires ou rien. Juste qu'il n'y en a pas avec Placide, c'est des montagnes, c'est super beau par contre. C'est un endroit qui est merveilleux. Ouais. Oh, j'ai jamais vu. Ah non, ça va à peine. Tu pars là avec ta blonde une fin de semaine, ça se fait super bien. Il y a un hôtel, les hôtels sont là. Tu passes ça main dans la main, tu vas faire un peu de raquette, tu reviens au Québec. un peu de raquette. Ouais, mais Mathieu. T'as-tu dit ça à Mathieu? Ouais. Ben là, je vous dis, on va commencer à la base avec Mathieu, là, qu'on va y aller avec la raquette. Je te vois mal aller faire du bobsleigh. Oui. Tu peux faire du bobsleigh là-bas. Ah, pour vrai? Oui, je suis sérieux. Ils sont équipés à cause des Olympiques. Tu payes, mettons, 40$, 45$, puis t'embarques dans un bobsleigh. T'es pas le pilote, bien sûr, mais t'en as pour la ride de ta vie, comme on dit. C'est super, ça, Nicolas. Merci pour le conseil touristique. Ben, ça fait plaisir. T'es vraiment un homme à tout faire. Moi, je suis polyvalent, là. T'es polyglotte. J'avais des jokes de politique tantôt. Oui, tout à fait. J'étais à ça de faire les heures et spectacles. À ça. J'ai hâte d'entendre. C'est très encore, comme j'ai deux semaines à peu près. Deux semaines. Faites êtes-vous le directeur des heures et spectacles. C'est tu peux te donner le titre que tu veux. Je vais te respecter pour autant. Donc, tu l'as dit, Gatineau avec Karaoke King en francophone et Chromeo avec Night by Night. Moi, je serais peut-être allé avec le fait que les Canadiens, c'est le CH. Donc, quelqu'un qui aimerait les Canadiens, serait un chroméophile, mettons quelque chose. Ça n'aurait pas eu de sens et ça aurait été dans le Mathieu Plante, dans le thème de la journée. Je baisse la barre à chaque fois. Ils sont tous merdeux. Et ensuite, t'as comme une pelletée en dessous de ça. Puis il y a moi qui fait comme « Allô? » Mais c'est que t'essayes tellement. Je suis plus que Claude des Montclones. Tous les samedis soirs. Karaoke King, Ding, Ding, King, Hong Kong. Samedis soirs. Plus l'autre que l'autre des Montclones. Tous les samedis soirs. Karaoke King, Ding, Ding, King, Dong, Dong. Sur stage, on dirait Claude François. J'ai la même tête, il a la même voix. Sur stage, c'est vraiment Claude François. J'suis Claude Parker, j'suis ce bout des doigts. Ce qu'on dit, quand on voit apparaître, ça a l'air d'être que les lettres de l'âge de la main. Ou un billet de light pour mon life de light. C'est le vrai Claude. Oui, ça a l'air de light. Plus vrai, puis plus que parfait. Plus vrai, c'est sûr que ça le fait. Saut de gros mec comme dans Belindo. Alexandre, je rentrais juste un peu de paillettes. Puis derrière moi, il y a une coupe de Claudette. Ça le ferait, je te jure que ça le ferait. Plus vrai, c'est sûr que je le ferais. Samedi soir, j'suis plus Claude que Claude que Claude et mon clone. Tous les samedi soir, Karaoke King, Ding, Ding, King, Dong, Dong. Samedi soir, j'suis plus Claude que Claude que Claude et mon clone. Tous les samedi soir, Karaoke King, Ding, Ding, King, Dong, Dong. Y'a des tonnes de tunes, des pages qu'on tourne, des pages qu'on tourne. Y'a des tonnes de tunes. Si j'avais voulu, Isabelle Boulay. Si j'avais voulu, si j'avais voulu, j'serais peut-être Jean Leloup, Phil Lafontaine, pis son cœur de loup. Mais parmi les chanteurs de chansons pop light, sans l'air c'est plus de Claude que de l'autre que j'ai light. Côte chromé, style Magnolo. Les goûts du disco, c'est Anella. Père blonde à guise de toupette. Pis dans ma tête, une coupe de Claude. Plus vrai, c'est plus que parfait. Plus vrai, c'est sûr que ça le fait. C'est le live, quel est l'aide de l'âge de Mike? Des litres de light pour mon live de light. Claude François, c'est ça l'aide de light. Plus vrai, puis plus que parfait. Plus vrai, c'est sûr que ça le fait. Plus vrai, puis plus que parfait. Plus vrai, c'est sûr que je le fais. Samedi soir, j'suis plus Claude que Claude des Montclones. Samedi soir. Les positions numéro 1, les panneurs assez fous pour la semaine du 11 au 17 avril 2011. Avant de dire nos numéros, on va faire un petit récapitulatif. Choisis ton côté et varie un peu, voir. Côté anglophone. Ah! Troisième, la semaine passée, j'ai fait franco. Je sais. Troisième position, Mother Mother avec Chasing It Down. Deuxième place, Ringo Death Star et So High. Et première position qu'on vient d'entendre, Chromeo avec la pièce Night by Night de l'album Business Casual. Du côté francophone, en troisième, c'est Karim Ouellet avec Météor qui monte d'une place. En deuxième, Taco Tsubo avec Super Héros qui monte de 15. Et en première, ça monte d'une place, Karaoke King de Gatineau sur l'album du même nom, Karaoke King. Voilà pour les palmarès, c'est fou. Stéphanie reste avec les auditeurs du jeudi pour l'émission Une pêbèche en mission. Qu'est-ce qui s'en vient? Première moitié d'émission dédiée à Oceaga. On a eu le line-up qui est sorti cette semaine. Donc, première partie d'émission, que des groupes qui vont jouer à Oceaga 2011. Et ensuite de ça, on va parler aussi des albums qui sont sortis récemment. Foo Fighters, The Kills, Broken Bells. Et on va parler du spectacle de Vincent Vallière qui a lieu demain soir. C'est à Une pêbèche en mission. C'est jeudi, aujourd'hui, à 17h. Et les mardis, c'est à 14h, c'est ça? Je pense qu'une fois, je me suis trompé. Moi aussi, je pense que tu t'es trompé la dernière fois. Mais je crois que c'est 14h, parce que t'as le voyage de solide, toi et la spirale. La spirale, betterave hurlante. Et voilà, et ça, c'est en direct, le mardi. Ouais. Ça change tout le temps, ces émissions-là. Hein. Nous, on va se quitter avec une pièce du palmarès électronique. C'est la pièce Relax the Mind de la formation américaine Adventure. C'est tiré de l'album Lesser Known qui occupe la première position. Je vous rappelle que vous pouvez écouter les palmarès électroniques dans le vestibule. C'est les samedis soirs à 21h. Les auditeurs du vendredi vont nous quitter pour aller rejoindre les lutins de l'enfer dans quelques minutes à peine. Ça commence à 20h. Moi, je vous retrouve lundi matin à 7h à Assemblage Requis. Passez une excellente fin de semaine. Et toi aussi, Stéphanie? Toi aussi, Mathieu. Bonne émission, Stéphanie. Bye bye, Mathieu Plante. Bye bye, Stéphanie Gagné. Hein? Ça, c'est de la complicité comme tu ne peux la créer autrement qu'en faking, comme on vient de faire là. Bonne émission, Stéphanie! Comme si on le pensait vraiment, c'est vrai. Hey! Hey! Excuse-moi. Les micros sont encore ouverts. Hein? Outrage!